Si l'humeur de Guillermo Gay. Ah oui. Oui. Bonjour les amis. Salut. Alors vivre, c'est se préparer à mourir, comme le disait encore Frédéric Diefenthal, qui citait de mémoire Confucius, qui lui-même tenait ça de son ostéopathe. Alors tout ça est bien captivant naturellement, mais pourquoi je vous parle de préparation à la mort? Eh bien pas uniquement pour égayer ce mois de novembre qui donne envie de crever sur France 3, mais parce que c'est mon anniversaire cette semaine. Et oui, et que j'ai fait une petite fête où vous êtes bien évidemment tous conviés, surtout Leïla. Ouais. Les autres, je viens de changer d'avis, restez chez vous. Franchement, et pensez à toutes les fois où vous êtes dit pas la peine d'aller voir son spectacle, celui-là, il va bientôt gicler de France Inter de toute façon. Mais bon, alors d'après les derniers chiffres de l'espérance de vie en Europe de riche, je suis pile poil à la moitié de ma vie. Et voilà, il n'y a pas que du négatif. Regardez, j'ai 24 ans et j'ai enfin l'occasion de rencontrer l'une de mes idoles d'enfance, Daniel Auteuil, qui a longtemps été mon acteur préféré avant que Laurent Deutsch ne mette tout le monde d'accord dans le cinéma français. Qui avec des films, qui avec des anecdotes historiques, qui avec des stations de métro, quoi d'autre? Alors hier, quelqu'un m'a proposé, c'est vrai, je vous promets, de l'épouser sur Instagram. Vraiment, je vous promets. J'ai répondu, mais enfin Daniel, on bosse dans la même émission. T'étais pas en Opel Renaldchen avec le maréchal Ganache, toi? Non, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a proposé, une fille qui m'a proposé ça. Alors c'est plutôt un aboutissement pour un Belge, honnêtement. Parce qu'on n'est pas un très beau peuple en Belgique, vraiment. On a d'autres qualités, on a d'autres qualités en Belgique. Tu t'en sors bien. On a d'autres qualités. Nous, on s'est dit que les moules et le céleri, ça irait nickel dans la même casserole, par exemple. Tu vois, ce qui n'était pas gagné d'avance, quand même. Je veux, physiquement, il n'y a aucun autre pays d'Europe qui nous jalouse, quoi. À part peut-être le Luxembourg. Et encore, je veux dire, il n'y a jamais deux filles qui se disent waouh, tu sors avec un Belge. Un Belge, caliente. Donc, grâce à la bande originale, je vais enfin pouvoir convoler. Vous êtes tous conviés à la fête, surtout Leïla. Alors, autre élément positif, hier matin, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire que grâce à moi, il avait versé 700 euros. C'est vrai, je vous promets, aux infirmiers de rue, qui est une association d'aide aux sans-abri que je soutiens. Et je profite justement de cette tribune pour rappeler aux infirmiers de rue que, je ne sais pas si on a parlé explicitement de mon pourcentage sur les gros montants, mais que l'usage dans le milieu, c'est de partir sur un 60-40 quand on est au-delà des 30 euros. Avec ses assos, Nagui, il a 80-20, mais Nagui, c'est Nagui, il connaît personnellement Frédéric Mitterrand. Moi, 60%, ça me va, ce sera toujours ça de prix pour mon voyage de noces. Autre élément positif. Ah non, il n'y en a plus, merde, c'est vrai. Alors le négatif, ah bah oui, ma vie. Les gens me demandent souvent, ça va, t'aimes bien Paris? Et moi, je réponds, ça va, t'aimes bien le sida, toi? Et puis, je regrette de pas avoir. Non, c'est vrai. Je regrette de pas avoir trouvé quelque chose de moins clivant. Ceci dit, répondre. Mais tout se barre en fil de pêche dans ma vie. Vraiment, j'avais un modèle dans l'humour, un seul, Louis C.K. Vraiment. Et j'apprends qu'il se masturbait devant des filles semi-consentantes, ce qui n'a aucun sens. C'est vrai. Ouais, le seul truc mignon un peu dans le gars. Le gars qui fait le stand-up. Bien sûr. Il est tombé pour ça, bien sûr. Il est tombé parce qu'il se masturbait devant les filles, je vous dis, semi-consentantes, ce qui n'a aucun sens, parce que le seul truc mignon, évidemment, dans la masturbation, c'est de pouvoir choper un peu de plaisir tout seul, hein, sans que personne te juge, parce que t'habites ceci, t'as demi-molle cela, 4 minutes, c'est un peu chiche et tout, et mon plaisir à moi, t'arrêtes pas, continue. Non, je continue si je veux, hein, c'est ça la masturbation, le sexe sans pression, les amis. Mais oui, tomber pour ça, c'est ridicule. On est à la radio, hein, Guillaume. Absolument. Mais mon monde s'écroule. Même pas un quart de siècle passé sur cette terre, et je suis déjà largué, j'ai rien appris dans la vie. Il n'y a que deux enseignements vraiment que j'ai tirés dans la vie. La première, c'est que le prochain qui met des oignons crus sans raison dans mes sandwichs, je le crève, c'est compris. L'autre, et vous pouvez vérifier, c'est vrai, il faut arrêter avec les oignons, ça suffit maintenant. Mais ouais, ça pue. Exactement, on est bien d'accord. L'autre, et vous pouvez vérifier, c'est que quand il n'y a plus de savon dans les toilettes des hommes, il reste toujours du savon dans les toilettes des filles. Franchement, c'est vrai. Et sociologiquement, je trouve ça remet pas mal en question les idées sur l'hygiène des uns et des autres. Vraiment, le féminisme, tout ça. Voilà. Mesdames, messieurs, Pierre Bourdieu. Alors, pour le reste, je me demande à quoi Serge. Chimiquement, j'ai à peu près la joie de vivre de Barbara. Barbara aujourd'hui, en plus. J'ai eu deux poissons rouges récemment. Ils ont fugué. Vraiment. Alors, heureusement, je fais une super fête d'anniversaire pour égayer tout ça. Ça va être vraiment on bien. Peut venir. Vous allez voir. Allez, bonne émission, les amis. Allez. 35 ans, Guillaume Auteuil. Ouais, 36. La bande originale.